Chapitre 6e. 15 jours s'étaient écoulés et Béatrice n'avait pas encore parlé du projet qu'elle avait conçu. À dire vrai, elle l'avait un peu oublié elle-même. Les premiers jours d'une liaison amoureuse ressemblent aux excursions des Espagnols lors de la découverte du Nouveau Monde. En s'embarquant, ils promettaient à leur gouvernement de suivre des instructions précises, de rapporter des plans et de civiliser l'Amérique. Mais à peine arrivés, l'aspect d'un ciel inconnu, une forêt vierge, une mine d'or ou d'argent, leur faisait perdre la mémoire. Pour courir après la nouveauté, ils oubliaient leurs promesses et leur robe entière, mais il leur arrivait de découvrir un trésor, ainsi font quelquefois les amants. Un autre motif excusait encore Béatrice. Pendant ces 15 jours, Pippo n'avait joué et n'était pas allé une seule fois chez la comtesse Orsini. C'était un commencement de sagesse. Béatrice, du moins, en jugeait ainsi, et je ne sais si elle avait tort ou raison. Pippo passait une moitié du jour près de sa maîtresse et l'autre moitié à regarder la mer en buvant du vin de Samos dans un cabaret du Lido. Ses amis ne le voyaient plus. Il avait rompu toutes ses habitudes et ne s'inquiétait ni du temps, ni de l'heure, ni de ses actions. Il s'enivrait en un mot du profond oubli de toute chose que les premiers baisers d'une belle femme laissent toujours après eux. Et peut-on dire d'un homme, en pareil cas, s'il est sage ou fou ? Pour me servir d'un mot qui dit tout, Pippo et Béatrice s'étaient faits l'un pour l'autre. Ils s'en étaient aperçus dès le premier jour, mais encore fallait-il le temps de s'en convaincre, et pour cela ce n'était pas trop d'un mois. Un mois se passa donc sans qu'il fût question de peinture. En revanche, il était beaucoup question d'amour, de musique sur l'eau et de promenade hors de la ville. Les grandes dames aiment quelquefois mieux une secrète partie de plaisir dans une auberge des faubourgs qu'un petit souper dans un boudoir. Béatrice était de cet avis. Elle préférait au dîner même du doge un poisson frais mangé en tête-à-tête avec Pippo sous les tonnelles de la Quintabale. Après le repas, ils montaient en gondole et s'en allaient voguer autour de l'île des Arméniens. C'est là, entre la ville et le Lido, entre le ciel et la mer, que je conseille au lecteur d'aller, par beau clair de lune, faire l'amour à la Vénitienne. Au bout d'un mois, un jour que Béatrice était venue secrètement chez Pippo, elle le trouva plus joyeux que de coutume. Lorsqu'elle entra, il venait de déjeuner et se promenait en chantant. Le soleil éclairait sa chambre et faisait reluire sur sa table une écuelle d'argent pleine de sequins. Il avait joué la veille et gagné 1500 piastres à Ser Vespasiano. De cette somme, il avait acheté un éventail chinois, des gants parfumés et une chaîne d'or faite à Venise et admirablement travaillée. Il avait mis le tout dans un coffret de bois de cèdre incrusté de nacre qu'il offrit à Béatrice. Elle reçut d'abord ce cadeau avec joie. Mais bientôt après, lorsqu'elle eut appris qu'il promenait d'argent gagné au jeu, elle ne voulut plus l'accepter. Au lieu de se joindre à la gaieté de Pippo, elle tomba dans la rêverie. Peut-être pensait-elle qu'il avait déjà moins d'amour pour elle, puisqu'il était retourné à ses anciens plaisirs. Quoi qu'il en fût, elle vit que le moment était venu de parler et d'essayer de le faire renoncer au désordre dans lequel il allait tomber. Ce n'était pas une entreprise facile. Depuis un mois, elle avait déjà pu connaître le caractère de Pippo. Il était, il est vrai, d'une nonchalance extrême pour ceux qui regardent les choses ordinaires de la vie, et il pratiquait le farniente avec délice. Mais pour des choses plus importantes, il n'était pas aisé de le maîtriser à cause de cette indolence même. Car dès qu'on voulait prendre de l'empire sur lui, au lieu de lutter et de disputer, il laissait dire les gens et n'en faisait pas moins à sa guise. Pour arriver à ses fins, Béatrice prit un détour et lui demanda s'il voulait faire son portrait. Il y consentit sans peine. Le lendemain, il acheta une toile et fit apporter dans sa chambre un beau chevalet de chêne sculpté qui avait appartenu à son père. Béatrice arriva dès le matin, couverte d'une ample robe brune, dont elle se débarrassa lorsque Pippo fut prêt à se mettre à l'ouvrage. Elle parut alors devant lui dans un costume à peu près pareil à celui dont Paris Bordone a revêtu sa Vénus couronnée. Ses cheveux noués sur le front et entremêlés de perles tombaient sur ses bras et sur ses épaules en longues mèches ondoyantes. Un collier de perles, qui descendait jusqu'à la ceinture, fixé au milieu de sa poitrine par un fermoir d'or, suivait et dessinait les parfaits contours de son sein nu. Sa robe de taffetas changeant, bleu et rose, était relevée sur le genou par une agrafe de rubis, laissant à découvert une jambe polie comme le marbre. Elle portait en outre de riches bracelets et des mules de velours écarlate lacées d'or. La Vénus de Bordone n'est pas autre chose, comme on sait, que le portrait d'une dame vénitienne. Et ce peintre, élève du Titien, avait une grande réputation en Italie. Mais Béatrice, qui connaissait peut-être le modèle du tableau, savait bien qu'elle était plus belle. Elle voulait exciter l'émulation de Pippo, et elle lui montrait ainsi qu'on pouvait surpasser le Bordone. « Par le sang de Diane !» s'écria le jeune homme lorsqu'il l'eut examiné quelque temps. « La Vénus couronnée n'est qu'une écaillère de l'arsenal qui s'est déguisée en déesse. Mais voici la mère de l'amour et la maîtresse du dieu des batailles. » Il est facile de croire que son premier soin, en voyant un si beau modèle, ne fut pas de se mettre à peindre. Béatrice craignit un instant d'être trop belle et d'avoir pris un mauvais moyen pour faire réussir ses projets de réforme. Cependant, le portrait fut commencé, mais il était ébauché d'une main distraite. Pippo laissa par hasard tomber son pinceau. Béatrice le ramassa, et en le rendant à son amant. « Le pinceau de ton père, lui dit-elle, tomba ainsi un jour de sa main. » Charles Quint le ramassa et le lui rendit. « Je veux faire comme César, quoique je ne sois pas une impératrice. » Pippo avait toujours eu pour son père une affection et une admiration sans bornes, et il n'en parlait jamais qu'avec respect. Ce souvenir fit impression sur lui. Il se leva et ouvrit une armoire. « Voilà le pinceau dont vous me parlez, » dit-il à Béatrice en le lui montrant. « Mon pauvre père l'avait conservé comme une relique depuis que le maître de la moitié du monde y avait touché. « Étiez-vous présent à cette scène ?» demanda Béatrice. « Et pourriez-vous m'en faire le récit ?»« J'étais bien jeune, » répondit Pippo, « mais je m'en souviens. » C'était à Bologne. Il y avait eu une entrevue entre le pape et l'empereur. Il s'agissait du duché de Florence, ou pour mieux dire, du sort de l'Italie. On avait vu Paul III et Charles Quint causer ensemble sur une terrasse, et pendant leur entretien, la ville entière se taisait. Au bout d'une heure, tout était décidé. Un grand bruit d'hommes et de chevaux avait succédé au silence. On ignorait ce qui allait arriver, et on s'agitait pour le savoir. Mais le plus profond mystère avait été ordonné. Les habitants regardaient passer avec curiosité et avec terreur les moindres officiers des deux cours. On parlait d'un démembrement de l'Italie, d'exil et de principautés nouvelles. Mon père travaillait à un grand tableau et il était au haut de l'échelle qui lui servait à peindre lorsque des hallebardiers, leur pique à la main, ouvrirent la porte et se rangèrent contre le mur. Un page entra et cria à haute voix « César !» Quelques minutes après, l'empereur parut, roide dans son pourpoint et souriant dans sa barbe rousse. Mon père, surpris et charmé de cette visite inattendue, descendait aussi vite qu'il pouvait de son échelle. Il était vieux. En s'appuyant la rampe, il laissa tomber son pinceau. Tout le monde restait immobile car la présence de l'empereur nous avait changé en statue. Mon père était confus de sa lenteur et de sa maladresse, mais il craignait, en se hâtant, de se blesser. Charles Quint fit quelques pas en avant, se courba lentement et ramassa le pinceau. « Le Titien, dit-il d'une voix claire et impérieuse, le Titien mérite bien d'être servi par César. » Et avec une majesté vraiment sans égale, il rendit le pinceau à mon père qui mit un genou en terre pour le recevoir. Après ce récit que Pippo n'avait pu faire sans émotion, Béatrice resta silencieuse pendant quelque temps. Elle baissait la tête et paraissait tellement distraite qu'il lui demanda à quoi elle pensait. « Je pense à une chose, » répondit-elle. « Charles Quint est mort maintenant et son fils est roi d'Espagne. Que dirait-on de Philippe II si, au lieu de porter l'épée de son père, il la laissait se rouiller dans une armoire ?» Pippo sourit et, quoiqu'il eût compris la pensée de Béatrice, il lui demanda ce qu'elle voulait dire par là. « Je veux dire, » répondit-elle, « que toi aussi, tu es l'héritier d'un roi, car le Bordone, le Moretto, le Romanino sont de bons peintres. Le Tintoret et le Giorgione étaient des artistes, mais le Titien était un roi. Et maintenant, qui porte son sceptre ?»« Mon frère Orazio, » répondit Pippo, « eût été un grand peintre s'il eût vécu. »« Sans doute, » répliqua Béatrice, « et voilà ce qu'on dira des fils du Titien. L'un aurait été grand s'il avait vécu et l'autre s'il l'avait voulu. »« Crois-tu cela ? » dit en riant Pippo, Eh bien, on ajoutera. Mais il aimait mieux aller en gondole avec Béatrice Donato. Comme c'était une autre réponse que Béatrice avait espérée, elle fut un peu déconcertée. Elle ne perdit pourtant point courage, mais elle prit un ton plus sérieux. « Écoute-moi, dit-elle, et ne raille pas. Le seul tableau que tu as fait a été admiré. Il n'y a personne qui n'en regrette la perte. Mais la vie que tu mènes est quelque chose de pire que l'incendie du palais Dolphine, car elle te consume toi-même. Tu ne penses qu'à te divertir, et tu ne réfléchis pas que ce qui est un égarement pour les autres est pour toi une honte. Le fils d'un marchand enrichi peut jouer au dé, mais non le Tizianello. À quoi sert que tu en saches autant que nos plus vieux peintres et que tu aies la jeunesse qui leur manque? Tu n'as qu'à essayer pour réussir et tu n'essayes pas. Tes amis te trompent. Mais je remplis mon devoir en te disant que tu outrages la mémoire de ton père. Et qui te le dirait si ce n'est moi? Tant que tu seras riche, tu trouveras des gens qui t'aideront à te ruiner. Tant que tu seras beau, les femmes t'aimeront. Mais qu'arrivera-t-il si pendant que tu es jeune, on ne te dit pas la vérité? Je suis votre maîtresse, mon cher seigneur, mais je veux être aussi votre amante. Plût à Dieu que vous fussiez né pauvre. Si vous m'aimez, il faut travailler. J'ai trouvé dans un quartier éloigné de la ville une petite maison retirée où il n'y a qu'un étage. Nous la ferons meubler, si vous voulez, à notre goût, et nous en aurons deux clés. L'une sera pour vous et je garderai l'autre. Là, nous n'aurons peur de personne et nous serons en liberté. Vous y ferez porter un chevalet. Si vous me promettez d'y venir travailler seulement 2 heures par jour, j'irai vous y voir tous les jours. Aurez-vous assez de patience pour cela? Si vous acceptez, dans un an d'ici, vous ne m'aimerez probablement plus, mais vous aurez pris l'habitude du travail. Il y aura un grand nom de plus en Italie. Si vous refusez, je ne puis cesser de vous aimer. Mais ce sera me dire que vous ne m'aimez pas. Pendant que Béatrice parlait, elle était tremblante. Elle craignait d'offenser son amant, et cependant elle s'était imposé l'obligation de s'exprimer sans réserve. Cette crainte et le désir de plaire faisaient étinceler ses yeux. Elle ne ressemblait plus à Vénus, mais à une muse. Pippo ne lui répondit pas sur le champ. Il la trouvait si belle ainsi qu'il la laissa quelque temps dans l'inquiétude. À dire vrai, il avait moins écouté les remontrances que l'accent de la voix qui les prononçait. Mais cette voix pénétrante l'avait charmée. Béatrice avait parlé de toute son âme, dans le plus pur toscan, avec la douceur vénitienne. Quand une vive ariette sort d'une belle bouche, nous ne faisons pas grande attention aux paroles. Il est même quelquefois plus agréable de ne pas les entendre distinctement et de nous laisser entraîner par la musique seule. Ce fut à peu près ce que fit Pippo. Sans songer à ce qu'on lui demandait, il s'approcha de Béatrice, lui donna un baiser sur le front et lui dit « Tout ce que tu voudras, tu es belle comme un ange. » Il fut convenu qu'à partir de ce jour, Pippo travaillerait régulièrement. Béatrice voulut qu'elle s'y engageât par écrit. Elle tira ses tablettes et en y traçant quelques lignes avec une fierté amoureuse. « Tu sais, dit-elle, que nous autres, leur aidant, nous tenons des comptes fidèles. Je t'inscris comme mon débiteur pour 2 heures de travail par jour pendant 1 an. Signe et paye-moi exactement afin que je sache que tu m'aimes. » Pippo signa de bonne grâce. « Mais il est bien entendu, dit-il, que je commencerai par faire ton portrait. » Béatrice l'embrassa à son tour et lui dit à l'oreille « Et moi aussi, je ferai ton portrait, un beau portrait, bien ressemblant, non pas inanimé, mais vivant. »